celui qui me plaît en Afrique, c'est voir, oui, le soleil. Ce qui me plaît en Afrique, c'est voir apparaître le clair de lune. Ce qui me plaît en Afrique, c'est entendre le bruit du tam-tam. Mais ce que je déplore, c'est le cri du mariage forcé. Ce qui me plaît en Afrique, c'est voir briller le soleil. Ce qui me plaît en Afrique, c'est voir apparaître le clair de lune. Ce qui me plaît en Afrique, c'est entendre le bruit du tam-tam. Mais ce que je déplore, c'est le cri du mariage forcé. Mama, basmam tum lori, dunia kom yam sida, mam suru. Baba om baba, mas mam tum lori, tum ya kum yam sida, hey, man surwe. Iri kamam na kum pan todo, mam kana sakrenda, mam ratam yam sida, man sur papa. Iri kamam na kum hediri, mam kana saklele. Pourquoi celle de 10 ans à celui de 40 ans? Pourquoi celle de 20 ans à celui de 60 ans? Pourquoi celle-même qui vient de naître à celui de 30 ans? Pourquoi ce mariage forcé? Non, non, non, non! Il est comme un marron et gris. Basimam tum lore, tum yakum yam sida.